à une inconnue, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. À une inconnue. Je connais par le monde une innocente fille, belle comme l'aurore un matin de printemps, blonde comme l'épi que coupe la faucille, la bouche fine et rose avec de blanches dents. Je ne sais si jamais son regard sur la terre a daigné s'abaisser, mais je sais que mes yeux, cherchant à refléter mon amoureux mystère, se lèvent bien souvent jusqu'à ses beaux yeux bleus. Je ne sais pas son nom, je ne sais quelle fée vint se pencher rieuse au bord de son berceau et, tenant dans sa main la baguette enchantée, lui fit en s'envolant son bienfaisant cadeau. Mais je sais que ce nom doit être doux et tendre, comme celui d'un ange et celui d'une fleur, et je sais bien surtout que j'aimerais l'entendre pour me le répéter en rêvant du bonheur. Je ne sais pas combien sur sa tête enfantine de radieux printemps ont parsemé leurs fleurs, combien d'heureux bouquets de roses ou d'églantines sur son épaisse tresse ont perdu leur couleur. Mais ce que je sais bien, c'est qu'elle est pure et belle, comme un lys au matin, tout prêt à s'entr'ouvrir, et qu'en elle, je vois la jeunesse éternelle, aux 16 ans pleins d'amour que rien ne peut flétrir. Je ne sais pas pour moi si son âme soupire, pas même si mes voeux sont jamais entendus, tandis que je nourris un amour en délire, s'ils ne seront pas vains tous ces pleurs répandus. Mais ce que je sais bien, c'est que, bonne ou cruelle, je veux lui consacrer mes rêves d'avenir, et que pour satisfaire un seul caprice d'elle, j'abandonnerai tout, et je saurai mourir. Fin de « À une inconnue », lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.